crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Le problème est que j'ai eu une relation avec cette gamine et que c'était un acte impardonnable. Qu'est-ce que vous voulez comme... Foutez-moi le camp. Qu'est-ce qui s'est passé en Alabama, monsieur Kellergan? Pourquoi vous êtes venu vous installer à Aurora? Répondez, nom de Dieu, vous devez dire ça à votre fille. Sterne a chez lui un tableau représentant Lola. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Le rapport est signé de la main de Pratt. Il savait et il n'aurait rien fait. Qu'est-ce que ça cache? Amadier, laissez-vous aller, chef. Et quand tout a été fini, elle a ajouté « Maintenant, vous êtes un criminel. » Le chef de la police de l'époque, Garrett Pratt, vient en effet d'avouer avoir eu une relation avec la jeune fille. Il est actuellement en garde à vue au quartier général de la police d'État de Concorde. Harry, vous devez envisager que vous n'avez peut-être pas été le seul homme dans l'existence de Nola. C'est impossible. C'est impossible. Vous m'entendez, c'est moi qu'elle aimait. Vous entendez? C'est moi qu'elle aimait. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker, adaptation Sophie Lemp, réalisation Pascal Deux. Sixième épisode. Lors de son audition, le chef Pratt avoue avoir entretenu une relation avec Nola, expliquant avoir négligé les pistes Harry Kébert et Elias Stern lors de son enquête, par peur que Nola l'aurait parlé de lui. Ces déclarations permirent au sergent Galloway d'obtenir l'autorisation de perquisitionner le domicile d'Elias Stern. Le tableau représentant Nola fut saisi et l'homme d'affaires interrogé. Pourquoi exposez-vous ce tableau? Parce qu'il est à moi. Il y a une loi dans cet état qui interdit d'accrocher des tableaux au mur. Non, mais c'est le portrait d'une jeune fille qui a été assassinée. Et alors? Si j'avais un tableau de John Lennon, assassiné lui aussi, ce serait un crime. Vous voyez très bien ce que je veux dire, monsieur Stern. D'où sort ce tableau? C'est un de mes employés qui l'a peint à l'époque. Luther Caleb. Pourquoi l'a-t-il peint? Parce qu'il aimait peindre. Et quand l'a-t-il peint? Vous vous en souvenez? Été 1975. Juillet-août, si ma mémoire est bonne. Juste avant la disparition de la petite? Oui. Et comment l'a-t-il peint? Avec des pinceaux, j'imagine. Bon, arrêtez de faire l'imbécile, monsieur Stern! Luther connaissait Nola? Tout le monde connaissait Nola à Aurora. Il s'est simplement inspiré d'elle. Vous vous rendez compte que posséder le tableau d'une adolescente nue pourrait vous causer de sérieux ennuis? Nue? On ne voit même pas ses seins. Il est évident qu'elle est nue. Vous êtes prêt à défendre ce point de vue devant une cour, sergent? Parce que vous perdriez. Et vous le savez aussi bien que moi. J'aimerais seulement savoir pourquoi Luther Caleb a peint Nola Kellergan. Je vous l'ai dit. Il aimait peindre. Vous connaissiez Nola Kellergan? Un peu. Un peu, seulement? Vous mentez, monsieur Stern. J'ai des témoins qui affirment que vous la faisiez venir chez vous, que vous aviez une relation avec elle. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Je n'ai jamais touché à cette petite. Écoutez, sergent, votre enquête piétine, visiblement. Et vous avez du mal à formuler vos questions. Je vais vous aider. C'est Nola Kellergan qui est venue me trouver. Un jour, elle est venue chez moi et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent. Elle a accepté de poser pour un tableau. Vous l'avez payée pour qu'elle pose? Oui. Luther avait un talent fou. Il aurait pu devenir l'un des grands peintres du siècle. Je me suis dit qu'il allait faire quelque chose de magnifique en peignant cette jeune fille. Je ne m'étais pas trompé. Si je vendais ce tableau aujourd'hui, avec toute cette affaire, je pourrais en tirer 1 ou 2 millions de dollars. Vous connaissez beaucoup d'artistes qui pratiquent ces tarifs-là. Galloway n'en tirera rien de plus ce jour-là. Les pistes Pratt et Stern ne tenaient pas la route. Pourquoi aurait-il tué Nola ? Brusquement, un doute terrible m'envahit. Comment pouvais-je être sûr que Harry me disait la vérité ? Et si Gallowood avait raison depuis le début ? Et si Harry était coupable ? Il fallait que je retourne le voir en prison. Le procureur me propose de plaider le crime passionnel. Je pourrais sortir au bout de 15 ans. Ne me dites pas que vous allez accepter. Je ne sais pas, Marcus. C'est peut-être le seul moyen d'éviter la peine de mort. Éviter la peine de mort ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous êtes coupable ? Non. Mais tout m'accable. Je n'ai aucune envie de me lancer dans une partie de poker avec des jurés qui m'ont déjà condamné. 15 ans de prison, c'est toujours mieux que la perpétuité ou le couloir de la mort. Harry, je vais vous poser la question une dernière fois. Avez-vous tué Nola ? Mais bien sûr que non, au nom de Dieu ! Combien de fois je devrais vous le dire ? Alors nous le prouvons. Oh non ! Marcus, pas encore cette machine. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Ne m'enregistrez plus, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Je vais prendre des notes. J'aimerais qu'on continue à parler du 30 août 1975. Si j'ai bien compris, au moment où vous avez décidé de partir avec Nola, votre livre était presque terminé. Je l'ai terminé quelques jours avant le départ. J'ai écrit vite. Très vite. J'étais dans un état second. Tout était tellement spécial. Nola était là, tout le temps. Elle relisait, corrigeait. Je vais peut-être vous paraître ridicule, mais c'était magique. Le livre a été terminé le 27 août. Je m'en souviens parce que c'est le dernier jour où j'ai vu Nola. Nous étions convenus qu'il faudrait que je quitte la ville 2 ou 3 jours avant elle pour ne pas éveiller les soupçons. Le 27 août fut donc notre dernier jour ensemble. 2 manuscrits trônaient sur la table de la terrasse. L'un écrit à la main, correspondant à tous les originaux. L'autre, dactylographié grâce à Nola. Nous avons passé un moment sur la plage. Là où nous nous étions rencontrés 3 mois plus tôt. Nous avons marché, marché. Tout était prévu. Je devais quitter Aurora le lendemain matin, après être passé par le Clarks pour faire savoir que je partais 1 ou 2 semaines à Boston régler des affaires urgentes. Je devais ensuite séjourner 2 jours à Boston, garder les factures pour que tout concorde si la police m'interrogeait. Puis le 30 août, je devais prendre une chambre au Seaside Motel sur la route 1. Chambre 8, m'avait dit Nola parce qu'elle aimait le chiffre 8. Nola m'aurait retrouvé dans la chambre en début de soirée vers 19h. On serait ensuite parti aussitôt au Canada trouver un petit appartement à louer. Je serais rentré quelques jours plus tard à Aurora comme si de rien n'était. La police aurait sûrement cherché Nola. Si on m'avait interrogé, je devais répondre que j'étais à Boston, montrer les factures d'hôtel. Je devais rester 1 semaine à Aurora pour ne pas éveiller les soupçons, puis rendre la maison et partir pour de bon, expliquant que mon roman était terminé et qu'il fallait désormais que je m'occupe de le faire publier. J'aurais alors pu retourner auprès de Nola. Là-bas, j'aurais envoyé le manuscrit par la poste à des éditeurs new-yorkais, puis j'aurais fait la navette entre notre cachette du Canada et New York pour assurer la sortie du livre. Mais Nola, qu'aurait-elle fait ? Nous lui aurions trouvé des faux papiers. Elle aurait repris le lycée, puis l'université. Nous aurions attendu ses 18 ans. Et elle serait devenue Madame Harry Kéber. Tes faux papiers ? Mais c'est complètement fou. Je sais, c'était complètement fou. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce 27 août, sur la plage, nous avons répété notre plan plusieurs fois. Puis nous sommes rentrés à la maison. Nous nous sommes assis sur le vieux canapé du salon et nous avons eu notre dernière conversation. Voilà, Marcus. Ces derniers mots, je ne les oublierai jamais. Nous serons tellement heureux, Harry. Je deviendrai votre femme. Vous serez un grand écrivain et un professeur d'université. J'ai toujours rêvé d'épouser un professeur d'université. À vos côtés, je serai la plus heureuse des femmes. Et nous aurons un grand chien, couleur du soleil. Un labrador que nous appellerons Storm. Attendez-moi, je vous en prie. Attendez-moi. Je lui ai répondu que je l'attendrais toute ma vie s'il le fallait. Ce sont nos derniers mots. Après, je me suis assoupi et lorsque je me suis réveillé, le soleil se couchait. Nola était parti. Sur la table, il ne restait plus qu'un des deux manuscrits, l'original. Le lendemain, j'ai quitté la ville. Je suis parti sans me douter que je ne reverrai plus jamais Nola. Le 7 juillet 2008, Marcus avait rendez-vous avec son éditeur Roy Barneski pour signer son nouveau contrat. Il lui avait apporté la cinquantaine de pages écrites grâce à son enquête et au récit de Harry. Roy Barneski les parcourut en une demi-heure. Alors ? C'est tout simplement génial, Goldman. Je savais que vous étiez l'homme de la situation. Merci, Barneski. Et attention, ce sont seulement mes notes. Certains éléments ne doivent pas être publiés. Mais bien sûr, Goldman, évidemment. De toute façon, je vous soumettrai les dernières épreuves. Alors, récapitulons. Remise du manuscrit pour la fin août, relecture et mise en forme en 2 semaines, impression dans le courant du mois de septembre. Les jaquettes publicitaires sont déjà prêtes. Quel timing parfait! Juste avant l'élection présidentielle et plus ou moins au moment de la tenue du procès de Kéber. Incroyable coup de marketing, mon cher Goldman. Attendez, mais si l'enquête n'est pas bouclée, comment est-ce que je termine mon livre? Si l'enquête est bouclée, c'est un récit authentique. Si elle ne l'est pas, on laisse le sujet ouvert, ou alors vous suggérez la fin et c'est un roman. Juridiquement, c'est imparable. Et pour les lecteurs, ça ne fera aucune différence. Et puis, de vous à moi, tant mieux si l'enquête n'est pas terminée. On pourra toujours faire un second tome. À notre succès. À notre succès. Allô ? On a les résultats, Goldman. Quels résultats ? L'inscription. Ce n'est pas l'écriture de Harry. Ce n'est pas lui qui a écrit ce mot sur le manuscrit. Putain, c'est génial ! Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour le dossier ? Si ce n'est pas son écriture, ça confirme qu'il n'avait pas le manuscrit au moment où Nola a été tuée. Ce qui était une des principales preuves à charge de l'accusation. Le juge vient de fixer une nouvelle audience de comparution, ce jeudi 10 juillet à 11h. Une convocation si rapide, c'est sûrement une bonne nouvelle pour Harry. J'attendis avec impatience la date de l'audience. La veille, alors que j'étais en train de relire mes notes, mon téléphone portable sonna. Marcus, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Et qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a eu un vol. Un vol ? Oui, vos feuillets, vous savez, ceux que vous m'avez apportés à Boston la nuit. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, ils étaient dans un tiroir de mon bureau. Hier matin, je les ai pas retrouvés. J'ai d'abord pensé que ma secrétaire les avait rangés dans le coffre, mais quand je lui ai posé la question, elle m'a assuré qu'elle ne les avait pas touchés. Et je les ai cherchés toute la journée d'hier, mais rien. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils ont été volés ? Écoutez, j'ai reçu des coups de fil tout l'après-midi. Le Globe, USA Today, le New York Times. À mon avis, quelqu'un a transmis des copies de vos notes à toute la presse nationale qui, évidemment, s'apprête à les diffuser. Merde, Roy, c'est pas possible, c'est pas vrai. Écoutez, Marcus, j'ai bien peur que... Dès demain, tout le pays prenne connaissance du contenu de votre bouquin. Je suis navré, vraiment, vraiment navré. C'est ainsi que je perdis le contrôle du livre que je n'avais pas encore terminé. Le jeudi 10 juillet, à la première heure, je découvris les titres de la presse. À la une de tous les quotidiens nationaux, s'étalaient des bribes de ce que j'avais écrit, sortant les phrases de leur contexte. Mes hypothèses devenaient des affirmations... mes suppositions des faits avérés et mes réflexions des jugements de valeur. Je téléphonais alors à mon agent pour lui demander de publier un démenti. Un démenti de quoi ? Les journaux n'ont fait que reprendre ce que tu as écrit. Ils ont tout déformé. Rien de ce qui transparaît ne correspond à mon livre. Allons, Marcus. Reste concentré sur ton texte. C'est tout ce qui compte. Tu sais que tu as peu de temps devant toi. Tu te rappelles qu'il y a 3 jours, tu as signé un contrat $1 million pour écrire un livre en 7 semaines. Je sais. Mais ça veut pas dire que ça doit être un torchon. Un livre écrit en quelques semaines, c'est un livre écrit en quelques semaines. Ouais, c'est le temps qu'il a fallu à Harry pour écrire Les Origines du Mal. Ouais, enfin, Harry, c'est Harry, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas, non. Bah, c'est un très grand écrivain. Ah bah merci. Merci beaucoup. Non mais c'est pas ce que je voulais dire. Toi, tu es un écrivain, disons, moderne. Tu plais parce que t'es jeune, dynamique, branché. Qu'est-ce que tu racontes, un écrivain branché. Les gens n'attendent pas que tu obtiennes le prix Pulitzer. Ils aiment tes livres parce qu'ils les divertissent. C'est vraiment ce que tu penses ? Très bien aussi. C'est vraiment ce que tu penses, que je suis un écrivain divertissant. Ne déforme pas ce que je dis, Marcus. Mais tu es conscient que le public t'aime bien aussi parce que tu es, disons, beau garçon. Beau garçon. Eh ben, c'est de pire en pire. Enfin, Marcus, tu vois bien où je veux en venir. Tu véhicules une certaine image. T'es à la fois le bon copain, l'amant mystérieux, le gendre idéal. C'est pour ça que l'affaire Harry Kébert va connaître un immense succès. Attends, de quoi tu parles, là ? C'est fou ! Ton livre n'existe pas et il s'arrache déjà. De toute ma carrière, j'ai jamais rien vu de pareil. L'affaire Harry Kébert ? Bah oui, c'est le titre du livre. Comment ça, le titre du livre ? Bah c'est toi qui as écrit ça sur tes feuillets. Mais c'était un titre provisoire ! Je l'ai précisé en entête, titre provisoire ! Provisoire ! Ah, Barnaski, t'as pas prévenu ? Le département marketing a trouvé que c'était le titre parfait. Ils ont décidé ça hier soir. Réunion d'urgence à cause des fuites. Ils ont jugé qu'il valait mieux utiliser ces fuites comme un outil marketing et ils ont lancé la campagne du livre ce matin. Bah, je pensais que tu le savais. Va voir sur Internet. Tu pensais que je le savais ? Mais merde, Doug ! T'es mon agent, tu dois t'assurer que je suis au courant de tout ce qui se passe autour de mon bouquin, putain ! Lors de l'audience du 10 juillet 2008, Harry fut libéré sous caution. Marcus n'était pas à Concorde, préférant suivre l'événement en direct à la télévision. Il partit ensuite courir jusqu'au petit lac de Montbury. Sur le chemin du retour, il vit qu'une fumée épaisse jaillissait au-dessus des pins. La maison de Harry brûlait. Je courus comme je n'avais jamais couru, me précipitant pour sauver cette maison que j'avais tant aimée. Les pompiers faisaient ce qu'ils pouvaient, mais les flammes immenses dévoraient déjà la façade. À quelques dizaines de mètres de l'incendie, au bord du chemin, un policier observait ma voiture. Sur la carrosserie, il était inscrit à la peinture rouge. Brûle Goldman. Brûle. Les pompiers restèrent toute la nuit. La terrasse, le salon et la cuisine avaient été dévastés. Le premier étage était relativement épargné, mais l'eau et la fumée avaient commis des dégâts irréversibles. Marcus dormit dehors, avec pour seul bagage un sac contenant quelques vêtements et son ordinateur. Le lendemain matin, vers 10h, alors que les cendres étaient encore chaudes, Harry débarqua. Il venait d'être libéré. Il descendit de sa voiture, fit quelques pas vers Marcus et s'assit près de lui. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je ne sais pas quoi vous dire. Ne dites rien. Regardez simplement ce que vous avez fait. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Votre voiture n'a rien ? Non. Tant mieux. Parce que vous allez monter dedans et foutre le camp d'ici. Harry, écoutez-moi. Elle m'aimait, Marcus. Et moi, je l'aimais comme je n'ai jamais plus aimé ensuite. Pourquoi vous avez écrit ces horreurs ? Vous savez ce que c'est, votre problème ? C'est que vous n'avez jamais été aimé, jamais. Vous voulez écrire des romans d'amour, mais vous n'y connaissez rien. Je veux que vous partiez. Maintenant. Je n'ai jamais décrit ni imaginé Nola comme ça, Harry. Ils ont volé le sens de mes mots. Qu'est-ce qui vous a pris de laisser Barnaski envoyer ce torchon à toute la presse nationale ? C'était un vol. Un vol ? Ne me dites pas que vous êtes assez con pour croire aux salades de Barnaski. Je peux vous assurer qu'il a lui-même copié et envoyé vos foutues pages à travers tout le pays. Quoi, mais... Je crois que j'aurais préféré ne jamais vous rencontrer. Maintenant, foutez le camp. Vous êtes chez moi et vous n'êtes plus le bienvenu. Je quittais Gouskov. Je roulais sans but quand je fus pris en chasse par un véhicule de police. Je me garais sur le bas-côté. Ne me dites pas que vous rentrez à New York, écrivain. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Disons que vous en prenez la direction. J'ai roulé sans réfléchir. Instinct de survie. Vous ne croyez pas si bien dire. Comment vous m'avez retrouvé? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a votre nom inscrit en rouge sur le capot de votre voiture. C'est pas le moment de rentrer chez vous, l'écrivain. La maison de Harry a brûlé. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Vous pouvez pas rentrer à New York. Pourquoi? Parce que vous êtes un type courageux. De toute ma carrière, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi tenace. Ils ont saccagé mon livre. Mais vous l'avez pas encore écrit, ce bouquin. Votre destin est entre vos mains. Tout est encore possible. Mettez-vous au boulot. Vous êtes un battant et vous avez un livre à écrire. Ah, et puis si je peux me permettre, vous m'avez mis dans la merde jusqu'au cou. Le procureur est sur la sellette et moi avec. C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait arrêter Harry rapidement. Je pensais que 33 ans après les faits, une arrestation surprise aurait raison de son aplomb. Je me suis planté comme un débutant. Et puis... vous avez débarqué. Bon, je vais pas vous faire une scène d'amour ici sur le bord de la route, mais ne partez pas. Il faut qu'on boucle cette enquête. J'ai plus d'endroit où dormir. La maison a brûlé et Harry ne veut plus me voir. Vous venez de vous mettre $1 million dans la poche. Prenez une suite dans un hôtel de Concorde. Je mettrai mes déjeuners sur votre note. Allez en route, l'écrivain. On a du pain sur la planche. C'était « La vérité sur l'affaire Harry Kéber » de Joël Dicker. Avec Florent Shep, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarel, Mélissa Barbeau, Jacques Garcie, Bruno Abraham Kremer, Olivier Claverie, Gabriel Dufay, Johanna Nizar. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salançon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.